Un mini short très très très court. Ses vues sur ses cuisses sont très belles. Et ce soleil est très très lourd. Moi j'ai envie d'un petit tour en manège avec toi. Sur mes cuisses et ma peau qui transpire ses aléas. J'ai ouvert un petit trou de souris avec mes doigts. Le jeu est là. Le rythme efficace, je ne résiste pas. La semence émerge. Le rythme est là, le jeu est là, je ne résiste pas. Un bout de plastique, je suis pour. Glisser ainsi n'est pas délétère. Et cet instant est très très court. Il n'y a pas de vue sur le mystère. Ah, halter à la main. J'ai fait de la gonflette ce matin. L'inconnu me suggère de lui montrer mes prouesses. La position, on la tient. Des minutes d'allégresse, des minutes sensuelles, sans la moindre intention. Je te quitte pour de bon. Une pensée émerge. Il est temps que j'arrête toutes ces choses dites perverses. Une pensée émerge. Il ne faut plus que je voie ces gens que pour du sexe. Car cela m'énerve, me frustre et me ramène dans des états plutôt amers. La.